الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات أوجب الواجبات على العبد معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يضاده من الشرك ذلك أن التوحيد هو القاعدة والأصل والأساس لدين الإسلام الذي لا يقبل الله عملا إلا به أي إلا بالتوحيد ويغفر لمن أتى به إن شاء ولا يغفر لمن ناقض التوحيد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا لما اشتملت كلمة الإخلاص على إقرار التوحيد ونفي الشرك كانت أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آية في القرآن آية الكرسي إذ قال الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فاشتملت هذه الآية التوحيد ويقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يستقيم توحيد إلا بمعرفة الشرك ثم الحذر منه وهذا القرآن كله آمر بالتوحيد ومحذر من الشرك يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومعرفة التوحيد والتمسك به ومعرفة الشرك والحذر منه مصلحتها راجعة إلى العبد لا إلى غيره هو المنتفع بالتوحيد كما أنه هو المتضرر بالشرك يقول الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال الله عز وجل فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Chers musulmans et musulmanes, sachez que l'obligation la plus importante qui incombe aux serviteurs est de connaître le tawhid. De connaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître tout ce qui contredit cette unicité, à savoir le polythéisme ou appelé en arabe shirk. Ceci car le tawhid, c'est la base de l'islam, de cette religion qui est la seule acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal peut pardonner s'il veut à celui qui a mis en pratique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui contredit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en associant à Allah autre qu'Allah et meurt dans cet état sans s'être repenti, eh bien Allah azza wa jal ne lui pardonnera jamais. Il dit subhanahu wa ta'ala, Allah, ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne toute autre chose à qui il veut. Et la parole de Tawhid, qui est la ilaha illallah, qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole, parce que c'est la parole du Tawhid, est la meilleure parole qui existe. Et c'est la parole la plus immense. Ainsi, le verset le plus important du Coran est le verset du trône, qui commence par Allah, point de divinité qui ne mérite d'être adoré que lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la dernière parole sur terre est la ilaha illallah, il entrera au paradis. Et sachez que le tawhid ne peut être appliqué qu'en connaissant le polythéisme et en prenant garde à ne pas y tomber. Ainsi le Coran entièrement appelle au tawhid et met en garde contre le polythéisme. Allah Azza wa Jal dit, en parlant de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dis, voici ma voix, j'appelle à Allah en toute clairvoyance, ainsi qu'à ceux qui me suivent, et gloire à Allah, et je ne fais pas partie des associateurs. Et sache également, chers musulmans et musulmanes, que ton application de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala n'apporte du bien qu'à toi, et de tomber dans le polythéisme, tu ne fais de tort qu'à ta personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Il n'agrée pas cependant la mécréance pour ses serviteurs. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ils mécrurent alors et se détournèrent. Et Allah se passa d'eux et Allah se suffit à lui-même. Et il est digne de louange, subhanahu wa ta'ala. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه لم يأتي نبي من الأنبياء إلا وأمر قومه بإخلاص التوحيد لله ونهاهم عن أن يشركوا معه غيره. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز من قائل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد كتب الله على من خالف هذا النهج وأشرك معه غيره أن كانت عقوبته أفظع عقوبة وأعظمها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم اعلموا أيها المسلمون أن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام خاف الشرك على نفسه وعلى ذريته فسأل ربه فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Et sachez qu'il n'y a pas un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'ait ordonné son peuple d'appliquer et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et il n'y a pas un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'ait mis en garde son peuple contre le polythéisme. Il dit subhanahu wa ta'ala, et nous avons envoyé à chaque communauté un prophète d'adorer Allah et de vous abstenir du tarout. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et nous n'avons envoyé avant toi de prophète sans qu'il ne lui ait été révélé qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée que moi, adorez-moi. Et Allah Azza wa Jal a réservé un châtiment inouï. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé un châtiment inouï et éternel pour celui qui vient contredire le tawhid. Il dit subhanahu wa ta'ala, celui qui associe à Allah, Allah lui interdira l'entrée au paradis et sa demeure sera l'enfer et point de secoureur pour les injustes. Et sachez également qu'Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, Ibrahim alayhi salam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges en disant qu'Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il ne faisait point partie du nombre des associateurs. Ibrahim alayhi salam, malgré son immense place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avait peur du polythéisme pour lui-même et pour sa famille, et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Ibrahim, Ibrahim alayhi salam a invoqué en disant, « Ô Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Thumma a'lamu ayyuha al-muslimun, i'lamu anna hadhihi as-samawat wa 'azamatuha كيف قامت بدون عمد وترون هذه الأرض كيف استوت بهذه الأوتاد ورأيتم هذه الجبال وعلوها وعظمتها ما مالت ولا سقطت منذ أن خلقها الله كل هذه الثلاثة يختل نظامها وتهتز أركانها ويفسد أمرها إذا وقع في الأرض أمر يخالف فطرة الله واسمعوا وتأملوا إلى قول الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أمور فظيعة تقع بسبب ماذا أخبر الله به عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فحين وصف الله عز وجل بالعجز والحاجة والنقص فوصف بالولد وهل يحتاج إلى الولد إلا الضعيف لما قيل ذلك تغير مجرى الكون ولهذا اقتضت حكمة الله أن الأرض لا تخلو أبدا من موحد إلى أن تقوم الساعة يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله فهذه أيها المسلمون والمسلمات هذه هي عظمة الشرك لذا لا بد لنا أن نعرف الشرك ومظاهره لنحذر منها ونبتعد عنها حتى لا تحبط أعمالنا ونحن نظن أننا نحسن عملا قال الله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويخطئ كثير من الناس حين يعتقدون أن الشرك هو فقط الكفر العلني بالله أو هو عبادة غير الله بالصلاة له أو ما شابهه فالشرك أيها المسلمون أعم من ذلك لأنه يدخل في كثير من مظاهر العبادة فالعبادة ليست الصلاة والحج والصوم فقط بل إن الخوف عبادة والتوكل عبادة والدعاء عبادة والقسم عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة والاستعاذة عبادة إلى غير ذلك من عبادات فلا بد أن نراعي في كل هذه العبادات ما أمرنا الله به حتى لا تفضي بنا إلى الشرك والعياذ بالله Et sachez, chers musulmans et musulmanes, vous voyez l'immensité de la terre, des cieux, comment ces cieux sont suspendus sans piliers visibles. Voyez cette terre et son étendue, comme elle est fixe et qu'elle ne dérive pas. Voyez, regardez ces immenses montagnes. Ces immenses montagnes et hautes montagnes, elles ne se déplacent pas et elles ne se sont pas écroulées depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créées. Eh bien, ces trois créatures d'Allah azza wa jal, à savoir les cieux, la terre et les montagnes, eh bien, peuvent être déstabilisés et peuvent être détruits et s'effondrer lorsqu'il y a sur terre ce qui vient contredire l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'unifier subhanahu wa ta'ala et de lui vouer l'adoration exclusivement à lui subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce verset et méditez-le. le verset 80 de Sourat Maryam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, et que la terre ne se fende, et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Regardez comment une parole de polythéisme peut entr'ouvrir le ciel, fendre la terre et réduire les montagnes en poussière. Ainsi, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il y aura et qu'il ne cessera d'exister sur terre des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien le lui associer. Et lorsque la terre sera dénuée de ces personnes, lorsqu'il n'y aura plus sur terre des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien le lui associer, alors l'heure arrivera, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure n'arrivera pas tant qu'il n'y aura sur terre une personne qui dise « La ilaha illallah ». Voici la gravité du polythéisme. Nous devons donc connaître ce polythéisme afin de ne pas tomber dedans, afin de ne pas sombrer dans ces ténèbres et afin que nos actes ne soient pas vains en pensant que nous accomplissions de bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, lesquels sont ceux qui font des œuvres, mais qui en réalité sont perdants, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ainsi, celui qui tombe dans le polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala abolit ses œuvres, même s'il a fait 1 million de prières, même s'il a jeûné des milliers de jours, s'il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses œuvres ne seront pas acceptées de lui. Et beaucoup de gens se trompent en pensant que le polythéisme, c'est seulement de ne pas croire en Allah, ou d'adorer autre qu'Allah, en faisant la prière pour autre qu'Allah, ou similaire. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le polythéisme est bien plus vaste que cela, et que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas restreinte à la prière, au pèlerinage et au jeûne. Non, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus vaste que cela. La crainte fait partie de l'adoration. De placer sa confiance fait partie de l'adoration. D'invoquer fait partie de l'adoration. De jurer fait partie de l'invocation. De faire un vœu fait partie de l'adoration. De demander la protection fait partie également de l'adoration. Et bien d'autres actes qui sont des adorations à part entière et qui doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al anbiya wa imam al mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن سأل سائل ما هي بعض مظاهر الشرك المنتشرة في زماننا نقول إن من صور الشرك المنتشر في زماننا دعاء غير الله لطلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين أو الأولياء من دون الله مع أن كاشف الضر وجالب النفع هو الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ومن مظاهر الشرك التي حذرنا الله منها إتيان الكهان والعرافين والمشعوذين وتصديقهم فيما يقولون وهم أناس بعيدون عن نور الله بعيدون عن ذكر الله بعيدون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متجرئون على الغيب، يتعاملون مع الجن والشياطين، ويأكلون أموال الناس بالباطل. لهذا لا ينبغي لمسلم، لا يجوز لمسلم أن يقصدهم لأي حاجة من حوائجه، فمن قصدهم فقد عرض دينه للطعن. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم. أما من أتى هؤلاء السحرة والمشعوذين وصدقهم فيما يقولون فإنه على خطر كبير إن لم يتب من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن مظاهر الشرك التي حذرنا الله منها الاستغاثة بغير الله وطلب الحوائج بدعاء غير الله. فمن الناس من يتوجه إلى أضرحة الأولياء لشفاء المريض وقضاء الحواجز وقضاء الحوائج، وهذا أمر حذر منه الله ورسوله. قال الله: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن الناس من إذا تعرض إلى خطر أو سقط ولده أو غير ذلك فأول شيء ينطقه بلسانه: يا سيدي فلان، فبدل أن يقول بسم الله مثلا أو يا رب أو يا الله يستغيث بمخلوق لا يسمعه ولا يملك له ضرا ولا نفعا. يقول الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Si une personne vient demander quelles sont les différentes sortes de polythéisme qui existent et qui sont répandues à notre époque, la réponse est, parmi ces actes de polythéisme, de invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui demandant la pourvoyance, ou en lui demandant d'apporter un bien, ou de repousser un mal. De demander cela autre qu'Allah fait partie du polythéisme qui fait sortir de l'islam. Comme le fait de demander cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de le demander à des vertueux ou à des saints en dehors d'Allah, car le seul qui peut épargner d'un mal, et le seul qui peut apporter un bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi il dit azza wa jal selon le sens: et si tu les questionnais, qui a créé les cieux et la terre? Ils te répondront: c'est Allah. Dis: regardez ou voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait un mal, est-ce qu'elle pourrait le dissiper? Est-ce que ces idoles que vous êtes invoquées en dehors d'Allah pourraient dissiper un mal que me voudrait Allah? Ou s'il me voulait, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, une miséricorde, pourrait-elle la retenir? Puis Allah Azza wa Jal a dit de dire à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam: dis, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent appui. Et parmi les exemples de polythéisme dont nous a mis en garde Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'aller rendre visite aux sorciers, aux charlatans et aux astrologues, et de croire en ce qu'ils disent. Ce sont des personnes qui sont loin de la lumière d'Allah, des personnes qui sont loin du rappel d'Allah, des personnes qui sont loin de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui s'aventurent dans les choses de l'invisible, des personnes qui ont des relations et qui ont des transactions avec les djinns et les diables, des personnes qui mange l'argent des gens dans le faux. Ainsi, il est interdit à tout musulman d'aller vers eux. Pour quelque raison que ce soit, celui qui se rend chez eux met sa religion en péril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va vers un astrologue ou un devin, en lui demandant une chose, sa prière ne sera pas acceptée de lui pendant 40 jours. Hadith rapporté par Muslim. Quant à celui qui va vers les sorciers, les charlatans et les devins, et croit en les informations qu'ils lui ont communiquées, alors il est dans un immense danger s'il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va vers un devin ou un astrologue et croit en ce qu'il a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et parmi les exemples de polythéisme, le fait de demander le secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes, lorsqu'elles sont malades, eh bien, se retournent vers des mausolées, vers des saints, en leur demandant la guérison, etc., etc. Et ceci est le polythéisme en lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Tel est Allah, votre Seigneur, à lui la royauté, et ceux qui sont invoqués en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, c'est-à-dire si vous invoquez ces idoles en dehors d'Allah, elles n'entendront pas vos invocations. Et si plus est, elles entendaient ces invocations, elles ne pourraient les exaucer. Et le jour du jugement, elles mécroiront. Et le jour du jugement, elles mécroiront en cette association. Qui pourra mieux t'informer que celui qui est connaisseur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Également de demander le secours à autre qu'Allah et le polythéisme en lui-même. Certaines personnes, lorsqu'elles se trouvent dans des situations de danger, ou lorsque l'un de ses enfants est dans une situation dangereuse, eh bien la première chose que prononce sa langue est « Oh un tel !» Viens-moi en aide, au lieu de dire au nom d'Allah, au lieu de dire ô Seigneur, au lieu de dire ô Allah, il demande le secours à une créature qui ne l'entend pas, qui ne peut en aucun cas lui apporter de bénéfice. ومن هذه المظاهر الشركية أيضا الذبح لغير الله كالذبح للأضرحة والذبح لطرد الجن والذبح من أجل حفظ الأشياء الجديدة فالله سبحانه وتعالى حذر من هذا لأن النسك والذبح عبادة والعبادة لا تؤدى ولا تصرف إلا لله يقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ويقول سبحانه فصلي لربك وانحر ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا له العبادة واعلموا أن وراءكم جنة ونارا وأن أفضل أعمال أهل الجنة توحيد الله وأن أشنع أعمال أهل النار الإشراك بالله يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. Et parmi les exemples de polythéisme qui sont répandus à notre époque, c'est le fait de sacrifier une bête pour autre qu'Allah, de sacrifier une bête pour un tombeau ou pour un mort, de sacrifier une bête pour éloigner les djinns, de sacrifier une bête afin de protéger une chose nouvelle. Et combien de fois sommes-nous questionnés je viens d'entrer dans un appartement, est-il autorisé de sacrifier une poule à l'entrée de celle-ci? Est-il autorisé de sacrifier telle ou telle bête afin de me protéger du haïn ou de me protéger des djinns? Ceci est le polythéisme en lui-même. C'est le polythéisme même, wal'iyadu billah. Et le fait que des personnes soient amenées à poser des questions sur des sujets aussi critiques et aussi cruciaux prouve à quel point la communauté musulmane est à sombrer dans l'ignorance de sa religion, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de sacrifier une bête pour autre que lui, car de sacrifier une bête est une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adoration d'Allah ne doit être vouée qu'à lui subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal, dit ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes. Point d'associer à lui, et c'est cela qui m'a été ordonné, et je fais partie du premier des musulmans. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors que c'est le Seigneur de toutes choses? Et il dit subhanahu wa ta'ala, prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah maudit ceux qui sacrifient pour autre que lui. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala et soyez sincères dans vos adorations, et sachez qu'il y a devant vous soit un paradis, soit un enfer. Et sachez que ce qu'ont fait de mieux les gens du paradis est l'unicité d'Allah, et que ce qu'auront fait de pire les gens de l'enfer est d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je terminerai par ce hadith, celui qui rencontre Allah sans lui associer quoi que ce soit entrera au paradis. Et quant à celui qui rencontre Allah en ayant associé à lui autre que lui, entrera en enfer. Sallallahu azza wa jal an yu'allimana ma jahilna wa an yahfadhana wa iyyakum min ash-shirk. Allahumma inna na'udhu bika min ash-shirk. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.